Pourquoi la poésie est-elle un art? Elle l'est car elle émerge du plus profond de soi, tel un Picasso qui peint sa toile, un Van Gogh qui se décrit, un Mozart qui raconte sa vie en musique. La poésie est belle ou triste, elle est comme celui qui l'écrit.